Chapitre 4e où Toto s'entraîne. Le lendemain matin, Fouinard eut un conciliabule avec Michel Gervais et Petite Suzon. Sans leur expliquer l'aventure, il avait besoin qu'ils se tinssent tous les deux à sa disposition, à quoi ils s'engagèrent de grand cœur. Suzon habiterait son propre logement. Michel serait prêt à partir immédiatement en cas d'appel. Combien de temps il serait absent, il l'ignorait absolument. Un jour, 8 jours, ça dépendrait. Qu'on ne s'inquiétât pas, et surtout qu'on ne s'avisa pas de le chercher avant qu'il donnât signe de vie. « Vous allez encore vous fourrer dans une dangereuse affaire ?» fit Suzon qui avait envie de pleurer. « Pourvu qu'il ne vous arrive pas malheur. Allons donc, n'oubliez jamais, petite, que Justine m'accompagne. » Il la fit siffler dans l'air, et qu'avec elle je suis, comme disent les Marocains, le maître de l'heure. « Et toi, mon bon Michel, ne fais pas cette mine inquiète, sois tranquille, si j'ai besoin de toi, je ne te raterai pas. » « Et si vous avez besoin de bons bras ?» fit Michel, en montrant ses énormes biceps, « on saura cogner. Pas de bêtises, les coups ont du bon, mais il ne faut pas en abuser. Là-dessus, mes petits lapins, serrez les phalanges de Toto et fichez-moi le camp. J'ai affaire. Vous, Suzon, à 6 heures, ici. Et faites un bon dodo dans le lit de Fouinard. » Suzon et Michel le laissèrent seul. Fouinard resta bien une grande heure à causer avec Justine qui, le bec très sérieux, ne le contredit pas. Puis il descendit, entra dans un magasin de confection d'où il sortit tout battant neuf. De là, après avoir apporté chez lui ses vieilles frusques, il prit un taxi et se fit conduire à un manège de la rue Oberkampf. Le patron leva les bras au ciel en l'apercevant. « Comment, c'est toi, Toto ? J'ai cru que je ne te reverrais jamais. Qu'est-ce que tu as fichu depuis si longtemps ?»« J'ai fait du grand art, » dit Fouinard en riant. « Me voilà, pas de phrase, je n'ai pas de temps à perdre. Tu es toujours solide au poste, papa Flambard ?»« Eh oui !» Et les reins souples et les épaules solides, on se soutient. Alors attention, 1, 2, et d'un bond, Fouinard lui sauta sur les épaules où il se tint debout en équilibre. « Bien, très bien, » fit Flambard, qui était un ancien clown. « Le saut périlleux maintenant. » Toto tourna dans l'air et retomba sur ses pieds. « Ça délasse de la bonne tenue, » proclama-t-il. « Quand je le disais, » cria Flambard essoufflé, « que quand tu voudras faire de la voltige, folie bergère, tu gagneras des 1000 et des 100. » « Maintenant, » dit Fouinard, « une tournée de coups de poing. »« Ouais, mais avec les gants. »« Diantre, je te connais. Je n'ai pas envie d'avoir une côte déplacée. »« Tu sais, Flambard, la vraie savate, les pieds, les mains, la tête, tout marche. Et surtout, ne me ménage pas. » Inextricable mêlée. On tapait, les poings dardaient, les pieds parlaient comme par une détente. Flambard tomba de son long sur le sable, mais se releva, attaqua encore, fut encore une fois déséquilibré. « Alors ?» dit Fouinard, « je ne me suis pas trop rouillé. »« Superbe, admirable, Rupin !» clamait Flambard. « Quand tu voudras, tu démoliras 10 hommes. »« Bien, merci. »« Je tiens surtout à ne pas être démoli moi-même. »« Là-dessus, bonsoir, vieux camarade, ou plutôt non. »« Viens prendre un verre. »« Remarque que je te tutoie, ça te prouve mon estime. »« Ah, à propos, as-tu une bicyclette à me vendre, quelque chose de soigné ?»« Justement, une occasion, une gladiator pur sang. » Un saligo qui me l'avait acheté et qui ne l'a pas payé. C'est-à-dire, vieux copain, qu'il en avait payé les 2/3, qu'il a raté un des derniers paiements et que tu la lui as reprise. Il y a de ça, fit Flambard en riant. Faut bien vivre. Je te la laisse pour 150 francs. Donc, voilà 100 francs et cloton bec. Ou plutôt, rouvre-le pour licher 1 ou 2 bons verres de la bouteille. On fit une station chez le marchand de vin. Flambard était ravi. D'abord d'avoir vendu 100 francs une bicyclette qui, déjà vendue et revendue à tempérament, était 4 fois payée, et puis d'avoir été rossé par Toto Fouinard, son élève. Le dernier verre rincé, Toto regarda sa montre, enfourcha sa bicyclette et disparut vers l'est.